Sur un rail dehors, neigeux et la famine qui tiraille. Déjà décollé, ça joue de la ferraille. Les lèvres gercées, il est gelé jusqu'aux entrailles. S'agenouiller, gémir, la voix qui pue la rouille. Sur pied, frémir, fièvre de froid et de trouille. Debout, marcher, vaciller le long du rail. Espérer, croiser, ne serait-ce qu'un animal. Errer en ahuri comme un héros délirant, se disant qu'il est peut-être le dernier des survivants. Sa mémoire des vieux sourires avant, quand l'hiver n'était pas noir, avant que l'air soit incendiaire, avant quand il y avait de la vie dans les bars, avant l'hiver nucléaire. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus personne, mais il parle encore à son homme, il hallucine, bien sûr. Dans sa main, quelques cheveux tombés, mais sa rétine fixe le ciel, cendré fendu par un volatile. Mais y'a de la vie, où sa cervelle hallucine, c'est là, sous lancinant, l'espoir qui le calcine. Revoir du vivant avant que l'infection ne l'assassine. Il accélère et s'obstine à suivre le chemin de fer comme un revenant rêvant de sortir de l'enfer. Un son bruyant, le moteur d'un véhicule. Il panique en comprenant que ses espoirs sont ridicules. Il prend la fuite dans la forêt à la vision des fusils. Il préfère soudain rester planqué, lui qui voulait revoir de la vie. D'instinct, il sent que l'asile ne sera pas offert. Impressionnant comme l'exil, on finit par s'y faire. Et il file, retourne droit dans l'irradiation, tente de fuir une rafale sans sommation.